Gustave le Rouge. Les aventures de Todd Marvel, détective milliardaire. Troisième épisode, un vol inexplicable. Chapitre premier, un héritage en péril. Après un virage savant, une luxueuse Rolls-Royce venait de stopper devant les grilles dorées de la Villa des Cèdres, une des plus luxueuses maisons de plaisance de la banlieue de San Francisco. Le détective John Jervis descendit de la voiture et se rendit directement au cabinet de travail du banquier Josias Orman Rabington. Et sans avoir fait antichambre une seule minute, il fut introduit par un lad vêtu de noir à la mine sévère. Le banquier, un robuste quadragénaire à la physionomie intelligente et loyale, paraissait préoccupé, mais à la vue du détective, ses traits se détendirent et il eut un sourire satisfait. « Mon cher ami, » dit-il à John Jervis en lui désignant un siège, « je vous attendais avec une réelle impatience. J'ai de graves inquiétudes au sujet de ma pupille, Miss Elsie. « Vous savez que je suis tout à votre disposition, » murmura le détective, sans essayer de dissimuler l'émotion qu'il venait de ressentir en entendant prononcer le nom de la jeune fille. « Voici de quoi il s'agit. La mère de Miss Elsie avait été autrefois demandée en mariage par Oliver Broom, un des rois de l'acier. Il ne fut pas agréé et il en demeura inconsolable. » Il refusa les plus riches parties, gardant toujours au fond du cœur le culte de celle qu'il avait dédaignée. Lorsqu'elle vint à mourir, il reporta une part de cette tenace affection sur la petite Elsie et l'enfant. De son côté, prit en amitié ce vieillard qui aurait pu être son père et qui l'accablait de cadeaux et de gâteries. N'est-ce pas chez lui que Miss Elsie va chaque année passer plusieurs semaines ? Précisément, l'ex-roi de l'acier, qui depuis une dizaine d'années a quitté le monde des affaires, s'est fait construire dans la Louisiane, dans un des plus beaux sites de la vallée du Mississippi, une résidence princière, où il vit en misanthrope, ne recevant à peu près personne. C'est là qu'Elsie se trouve en ce moment. Il n'y a pas longtemps qu'elle y avait passé ses vacances habituelles, quand il y a 15 jours... elle reçut du vieillard une lettre pressante. Il se trouvait, expliquait-il, très affaibli. La peur de mourir sans avoir revu la jeune fille le tourmentait. Il exigeait qu'elle vînt lui fermer les yeux. Sa présence étant d'ailleurs indispensable pour les dispositions testamentaires qu'il voulait prendre en sa faveur. Oliver Broom est puissamment riche et il a toujours promis de laisser sa fortune à Elsie. Je n'avais donc aucune raison de m'opposer au départ de ma pupille. En tant que tuteur, il était de mon devoir de ne pas laisser échapper une pareille fortune. Puis, Elsie, très désintéressée, très affectueuse, adore le vieux roi de l'acier. En apprenant qu'il était à la dernière extrémité, elle fondit en larmes et fit immédiatement ses préparatifs de départ. Voilà 15 jours de cela, et depuis, elle ne m'a pas donné une seule fois de ses nouvelles. En revanche, je viens de recevoir de Betty, la femme de chambre d'Elsie, cette lettre qui me cause la plus vive inquiétude. Le banquier tendit à John Jervis un morceau de gros papier d'emballage, sur lequel ces quelques lignes étaient péniblement tracées au crayon. « Venez promptement à notre secours. Miss Elsie et moi sommes séquestrés, et nous croyons qu'on est en train d'assassiner Mr. Broom. Miss Elsie réclame Mr. John Jervis. Je ne puis vous donner plus de détails. Votre respectueusement dévouée, Betty Chandler. » Le détective s'était levé brusquement. « Je comprends vos inquiétudes. Je vais partir tout de suite. Vous savez que j'ai pour Miss Elsie, comme pour vous-même, le plus entier dévouement. Vous m'en avez donné la preuve, » murmura Mr. Rabington en serrant avec émotion la main de John Jervis. Mon cher ami, il faut que vous délivriez Elsie et que vous sachiez au juste ce qu'est cette menace d'assassinat dont Oliver Broom paraît menacé. Je ferai ce qu'il faudra. Et, fit le banquier, qui paraissait maintenant tout à fait rassuré. Je sais que du moment où vous vous mêlez de quelque chose, on peut en regarder la réussite comme certaine. Quand y aura-t-il un train pour la Nouvelle-Orléans? À 16 h. Nous avons donc encore 2 heures devant nous. Ce ne sera pas trop, car il y a une foule de détails que j'ai besoin de connaître. Je pourrai vous documenter. Je ne suis jamais allé à Isis Lodge. C'est le nom de la propriété de Mr. Brown. Mais Elsie me l'a tant de fois décrite que je la connais aussi bien que si je l'avais habitée. Avant tout, sachez qu'Oliver Broom est un des plus curieux excentriques de toute l'Amérique. D'une intelligence extraordinaire, il était regardé comme un des travailleurs les plus acharnés, comme un des hommes d'affaires les plus subtils de ce monde spécial qu'on a appelé l'Empire des Affaires, et que le milliardaire Carnegie a si bien décrit dans son livre. C'est un milieu que je connais à merveille, fit le détective avec un bizarre sourire. Arrivé à 50 ans, le milliardaire liquida brusquement toutes ses parts dans différents trusts et se prit d'une belle passion pour l'archéologie. Son château d'Isis Lodge est un véritable musée. Des millions de dollars ont été dépensés par lui pour y entasser des idoles, des statues, des vases, et jusqu'à des tombeaux et des momies. Il vit dans une profonde solitude au milieu de ces épaves du temps passé. Et ma pupille est la seule personne au monde qui ait trouvé grâce devant sa misanthropie, à part peut-être un vieux domestique de confiance qui répond au nom de Wilbur, Dane, et qui est, paraît-il, un très honnête homme, très dévoué à son maître. John Jarvis, ayant griffonné rapidement quelques lignes sur son carnet, le banquier poursuivit. En Europe, Oliver Broom passerait pour un fou. Ici, on le regarde simplement comme un excentrique. Et comme en dépit de sa misanthropie avérée, il donne chaque année de grosses sommes aux institutions de bienfaisance, on le regarde comme un bon vieux gentleman, tout au plus un peu bizarre. Il est aussi très orgueilleux. Il s'est fait construire dans son parc un superbe mausolée de granit noir, orné de sphinx copiés en Égypte, et enfin, il s'est pourvu à l'avance d'un cercueil, le plus coûteux qu'il a pu trouver. Un cercueil en platine. Ah, en platine, répéta le détective avec stupeur. L'affaire a fait en son temps grand bruit dans le monde des milliardaires. Le plus amusant, c'est qu'à cause de la hausse du platine, le vieil original se trouve avoir fait un placement de tout premier ordre. S'il revendait son cercueil au cours actuel, il en tirerait aisément 300 000 $. Le banquier fut brusquement interrompu par l'entrée d'un lade qui portait sur un plateau d'or une enveloppe de gros papier gris et, comme le détective le reconnut d'un coup d'œil, d'un papier semblable de tout point à celui de la lettre de Betty. Mr. Abington décacheta la lettre d'une main tremblante et, sans un mot, l'attendit à John Jarvis. Elle ne contenait que ces mots qui paraissaient avoir été tracés avec du charbon. Que Mr. John Jarvis se hâte, la vie de Miss Elsie est en danger. Signé Betty. Le détective s'était levé, très pâle. « Je n'attendrai pas une minute de plus, » déclara-t-il. « Mon auto fait au besoin du 150 à l'heure. Je peux gagner du temps sur les trains les plus directs. Je passe seulement chez moi pour prendre mon fidèle Canadien Floridor, dont la collaboration m'est indispensable dans une expédition de ce genre. » Mr. Abington était atterré. Il tournait et retournait entre ses doigts le billet de Betty, sans trouver une parole à dire. « Pourvu que vous n'arriviez pas trop tard, » murmura-t-il enfin. Je suis dans une mortelle inquiétude. Je ne dormirai pas avant d'avoir reçu de vous un télégramme rassurant. Mais je n'y songeais pas. Voulez-vous que je vous accompagne ? C'est tout à fait inutile. Votre présence là-bas attirerait l'attention et me gênerait plus qu'elle ne me servirait. Vous pouvez être persuadé que je ferai tout ce qui doit être fait. Vous aurez un télégramme dès que je pourrai vous en envoyer un. Aussi troublés que s'ils se fussent dit un éternel adieu, les deux amis échangèrent un suprême check-in au seuil de la villa. Puis, le banquier regagna tristement son cabinet de travail. Une demi-heure plus tard, l'auto de John Jervis, que pilotait le Canadien Floridor, fuyait à travers la campagne à la vitesse d'un bolide. À un passage à niveau, dans cette partie de l'Amérique, les barrières sont inconnues. La locomotive d'un express effleura la voiture, qui fit une formidable embardée et qui eut capoté sous la poigne et l'habileté du Canadien. Un peu plus loin, l'auto culbuta un cheval et le tua. Le vaquero qui conduisait le troupeau mit Floridor en joue avec le rifle dont il était armé. John Jervis, pour toute réponse, jeta sur la route un paquet de banknotes. Quand l'homme qui s'était baissé pour ramasser les premiers papiers se releva, la voiture n'était déjà plus qu'un point noir à l'horizon. Cette course vertigineuse dura 2 jours et 2 nuits. Quand Floridor était fatigué, John Jervis prenait le volant à son tour. Et le Canadien faisait un somme, puis reprenait son poste sitôt qu'il avait pris un repos suffisant. Il faisait nuit noire quand enfin ils atteignirent le village de Claremont, à 3010 East Lodge.